donc un peu les filles. Allez, marquez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG pour suivre l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h à minuit. Ici RIGFM.fr si vous êtes sur Bordeaux, et nous avons aussi le RIGFM.fr pour suivre partout dans le monde. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier mercredi du mois de mars. Et qui dit premier mercredi du mois, on parle évidemment de Johnny Hallyday en live sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. On va parcourir spécialement les années 70. On part donc de 1970 jusqu'à 1969. On part de Cambrai, 1970, jusqu'à au Palais des Sports de 1960, au Pavillon de Paris de 1979. Oh, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit 69. J'ai dit 69, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. J'écouterai le podcast pour ça. Le podcast que vous aurez dès demain sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Voilà, eh bien on y va, on est parti pour 2 heures de live. Thierry a commencé en retard, ce n'est pas grave. Eh bien on va faire comme ça. Bonne nuit à toutes et à tous. Maintenant je vais vous endormir au son de Johnny Hallyday. On commence tout de suite avec le premier titre de cette émission à tout casser. Johnny Hallyday à Cambrai, c'était le 4 septembre 1970. Bonne écoute à toutes et à tous et restez à l'écoute de RIG. après 70, on passe à 1971, le Palais des Sports. John Hayday sur RIG. Quand je suis arrivé dans ta ville, je n'ai plus que toi dans la mémoire. J'ai même de te voir. Je te veux, je te veux, oui, je te veux, oui. Je te veux, je te veux, oui, de la nuit. Je t'ai cherché partout dans la ville, cherchant ton visage dans le noir. Dans les noirs. Et je t'ai déchiré comme une fleur fragile que tu es, c'est ma plus belle victoire. Cover, la reprise, la version, l'adaptation française de Delta Lady de Joe Cocker. On retrouve John Hayday à l'Olympia en 1972. Il interprète la fille aux cheveux clairs. Et vous écoutez donc l'émission Johnny de AZ spécial live des années 70. De 70 à 79. Ça me rappelle quand même de bons souvenirs. Ouais, j'ai connu le début du vaguement.

Je veux conserver son image. Je voudrais repousser l'hiver. Mais le temps tuera son visage. Oui. Je voudrais pouvoir repousser l'hiver. Mais le temps tuera ton visage. Son concert en 1972 en faveur de la LICRA. On le retrouve maintenant en 1973, toujours à l'Olympia. C'était le 20 juin 1973, Johnny Hallyday qui jouait pour sauver l'Olympia et pour aider Bruno Coucatrix à sauver l'Olympia. Johnny qui avait dit à Bruno, moi, j'ai pas besoin de te cacher, par contre, mes musiciens, tu les payes. Moi, je n'en veux pas. Voici ma jolie Sarah. Ma jolie Sarah. Maintenant, maintenant, ta paix. En 1973, Johnny Hallyday est en concert à Marseille, c'était le 7 juillet, et il chante Vivre en duo avec Sylvie Vartan. Vous écoutez Johnny de la Z et les lives des années 70. Je veux s'en vivre. Vivre,

ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il l'entend sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jeu. Chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que vivra le blues. Alors ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime. J'ai mes joies, j'ai mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur mes guitares, des manoirs me donnent l'âge. Pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu. Johnny Hallyday à Cambrai, c'était le 6 septembre 1974. On le retrouve cette fois en Belgique, à Spa, le 26 juin 1975. Voici la fille de l'été dernier. Et vous écoutez toujours Johnny de AZ ici sur RIG et le live des années 70. Je ne veux pas perdre de temps, il y a autre chose en terre. Travailler pendant l'été pour gagner une misère. Oui, au téléphone, quand j'appelle la fille que je voudrais faire. Me dit, t'as du travail à faire. Oui, parfois je demande ce que je peux faire pour retrouver la fille de l'été dernier. J'ai soigné ma coiffure. Et mon père et ma mère m'ont retiré leur voiture. Et je n'ai pas travaillé, j'ai vu que j'étais malade. parfois je sens le vent nu qui veut m'empêcher de retrouver la fille de l'été dernier. Je prendrai le premier train, je n'attendrai pas l'été. Et j'enverrai tous mes problèmes au bureau de l'Élysée. J'ai vu le président, il avait l'air étonné. Mais tu es trop jeune pour voter. Oui, parfois je me demande ce qu'il y a de pire que de vouloir aimer une fille en vie. Canada, au Québec, exactement. Je n'ai été à Montréal le 31 août 1975 avec deux titres, Dad to Run Run et après nous aurons Nadine. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ah, je ne vous entends pas ici. Est-ce que ça va bien? Et vous là, et vous, ça va bien? Mais avant de continuer à chanter. Ah! Ouh! C'est chaud ici. Avant de continuer à chanter, je voudrais vous dire que je suis très très très heureux d'être de retour au Québec. Et tout spécialement de donner ce show à Montréal. Merci à vous de m'avoir fait venir ici. J'aimerais également saluer quelques amis dans la salle, dont mon ami Pierre David. Ça va, Pierre? J'aimerais pour Pierre chanter une chanson qui va lui rappeler de bons souvenirs, je crois. C'est une chanson que j'ai chantée, que j'ai enregistrée en 1961, que j'ai chantée pendant 5 ans et que j'ai repris ici ce soir pour vous. C'est une chanson qui commence comme ça. C'est pas trop difficile de chanter Nadine? Non, là je vous entends pas, là j'en entends trois. Tout le monde?

ça fait mal. Tu as fait ta vie. Oui, ça fait mal. Aujourd'hui, je sais que l'on n'a rien sans lutter. Le prix de l'amour, celui de l'amitié. Quand on est le premier, ce qui vous crie bravo. Qui ce qui voudrait revoir un jour chaos. Oh, il est cool. Les coups, les coups. Est-ce que vous avez envie de chanter avec moi? Ouais. Je voudrais d'abord faire séparément les garçons. Et les filles. Ah, je vois qu'aujourd'hui les filles sont plus fortes que les garçons. Ouais, ouais. Alors on va commencer par les filles. Il suffit simplement avec moi de chanter les coups. Décidément, c'est pas terrible. On va essayer avec les garçons une fois. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Hey. Oui, ça fait mal. Oui. Voilà ce que j'appelle chanter, mesdemoiselles. Décidément, nous sommes et nous resterons le sexe fort, n'est-ce pas? Ouais. On va encore essayer une fois avec vous. Mais cette fois-ci, je veux vraiment vous entendre. Et puis vous allez quand même montrer au sexe fort que vous êtes pas si faible que ça, non? Ouais. Hey. Ouais, ça fait mal. Oui, ça fait mal, tout le monde. Je t'attendrai dans le chemin, sur ma part toute ma vie. Je t'attendrai dans le chemin, au maximum mais après ton vie. Et les secondes volent quand j'attends, c'est long dans le chemin. Oui, oui, dans le chemin. T'entendrai jusqu'à minuit, au maximum, mais après tant pis. Devant le barman, abruti, qui me raconte toute sa vie. Minuit sonne, il me donne du mot, je lis que tout est fini. Oui, oui, que tout est fini. Oh, tout est bien fini. Jusqu'à minuit, c'est pas rêvé, on s'est bien écrit. Ne m'en veux pas, je t'en prie, Johnny. faut-il que j'en pleure ou que j'en rire, que tout soit fêlé. Tout est bien fini. Ouais, tout est bien fini. Tout est bien fini. Moi j'ai pas besoin d'amour, mais tout est bien fini. C'est bien écrit. Ouais, c'est bien écrit. Tout est bien fini. Je suis seul. Et moi j'ai tant besoin d'amour. Oh, moi j'ai tant besoin d'amour. Oh, moi j'ai tant besoin d'amour. Et personne ne veut m'aimer. Non, personne ne veut m'aimer. Oh! Personne ne veut m'aimer. Y a-t-il ce soir une fille? Y a-t-il ce soir une fille? Y a-t-il ce soir une fille? Une fille qui veuille m'aimer. Ah! Non, non, non, non, non, personne ne veut m'aimer. Oh! Et moi j'ai tant besoin d'amour. Oh, moi j'ai tant besoin d'amour. Oh, j'ai tant besoin d'amour. J'ai tant besoin, besoin, besoin, besoin d'amour. Y a-t-il ce soir une affaire? Oh, je me sens seul. Je me sens seul. Oh, je suis seul. Je suis seul. Je suis seul. Je suis seul. Désespéré. Quand je les vois par la main, tous les amoureux, moi je sais bien. Cet amour-là, je ne le connaîtrai pas. Il ne sera jamais pour moi. Je suis seul. Désespéré. Tu as beau parler d'amour, je suis seul presque toujours. Au milieu de mes tourments, où je me dis que tu me mens. La vie, c'est bien joli. Mais j'ai peur d'être un jour trahi. Et ton amour, tu peux me jurer. Je veux bien qu'un jour, tu me feras crier. Je suis seul. Je d'espoir. Et j'ai écrit, et j'ai fini, oh, oh, oh, oui. Ça me rend fou, tu as ton amour, et je perds tu. Je suis dans le noir, et j'ai du mal à croire, enduit de l'ennui, et je t'écris, oh, oh, oh, oui. Je ferai-tu pour sauver notre amour, rien que pour nous. Si un mot peut tout changer, je le trouverai. Ou un instant de la vérité, pour toi en douter. Or c'est noir, il n'est jamais trop tard. Pour un tigre, j'en veux plus dans ma vie, oh non. Je me rends fou, perdre ton amour, je te l'avoue. Maintenant, pour les sauver, à tout je suis prêt. Ou un instant, de la vérité, pour toi en douter. Voir ces noirs, il me restait l'espoir. Oui, gris, c'est gris, et je ne veux plus t'en dire, oh non. Ça vaut le coup de sauver notre amour, rien que pour nous. De sauver notre amour, rien que pour nous. Voir ces noirs, il me reste l'espoir. Voir ces noirs, il me reste l'espoir. Voir ces noirs, il me reste l'espoir. Toujours au Palais des Sports en 1976, voici né pour vivre sans amour. Vous écoutez toujours RG, l'émission Johnny de A à Z. Merci. Et les lives des années 70. Je suis plus seul qu'au premier jour, dans ma prison de gloire. Ne me parlez plus d'amour, j'ai peur de ne plus y croire. Une guerre à l'abandon, elle n'y a rien laissé. Je dis je t'aime dans mes chansons, mais je sais que je suis né pour vivre sans amour. Sans amour, jusqu'au dernier de mes jours, moi, je vivrai sans amour. Et ces filles qui crient mon nom au milieu des bravos ne m'en font que mes chansons et n'embrassent que mes photos. Et dans cette guerre d'amour, j'étais trop blessé. Et si je l'aime toujours, je sais bien que je suis né pour vivre sans amour. sans amour jusqu'au dernier de mes jours. Moi, je vivrai sans amour jusqu'au dernier de mes jours. Moi, je vivrai sans amour. On quitte l'année 1976 pour aller du côté de Marignane. C'était le 8 juillet 1977, un concert pirate, bien entendu, avec le titre « Si j'étais un charpentier ». Nous sommes le 21 février 1978. Johnny est dans sa tournée d'hiver et avec ce titre, Tant pis, c'est la vie. C'est la vie. Avec ses joies, ses folies, j'apprends quand même bien, j'ai compris. C'est la vie. Tu t'en vas. J'entends mon père mot que j'ai besoin de toi. We'll be right back. tournée d'hiver, voici la tournée d'été 1978, John Hallyday à Béziers, au micro, ou du moins sur la radio de Europe 1, présenté par Jean-Loup Lafont. Michel Mallory à l'harmonica, Jean-Pierre Prévota, ex-triangle à la batterie. Et 12 autres. J'avais besoin d'un coup de peau, pas d'un coup manqué. Je suis là pour la chance, c'est encore un gros moyen. J'avais reçu un coup au cœur, un coup défendu. Quand tu m'as fait le coup de cœur, du coup j'y ai cru. Une paire de clous avec un de mes amis. Pour ta fidélité, c'est encore un coup pour rien. Donnez-moi le petit coup de fil, le petit coup en dessus. Tu n'en veux vraiment pas le coup, contente le tout. Le coup là pour l'amour, c'est encore un coup pour rien. C'est bien que j'en ai marre, des coups bas de la vie. Oh oui, j'ai fini les coups de frein, j'ai des coups pour rien. Ah, c'est du très grand Johnny, mais ça m'étonne pas parce que ce soir je savais qu'il allait être très très grand et bon, très heureux d'être là à vivre cette scène avec toi, tu sais. C'est un des très bons souvenirs et c'est. Et ça veut dire que la cuvée n'est pas finie. Ok. Tout simplement pour vous. À l'heure qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des paysages, se raconte des histoires. Elle m'oublie, elle m'oublie, elle m'oublie. Ses cheveux blancs serrés dans un chignon mal fait, elle pense à Dieu sait quoi, le soleil disparaît. Et la nuit va venir, le chauffeur fatigué cherche un restaurant et elle voudra dîner. Elle m'oublie, elle m'oublie, elle m'oublie. Et moi je vais finir cette bouteille de vin en regardant la table, en me tendant les mains. Je vais passer la nuit dans le jardin à compter les étoiles, ça ira mieux demain. Elle m'oublie,

chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour d'entendre et entendre la vie et ne pas m'essouffler sous tes cris. C'était ma peine forçade de l'amour. Et bonne chance à celui qui vous m'en parle. Les gens du chêne sont là les jours. C'était ma peine forçade de l'amour. J'ai refusé. C'est la voix d'une enfant avec laquelle tu lâches mon sang. Je veux t'expliquer, tu comprends le jour et la nuit. Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Essayes-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus l'esclave de ta chair. C'était ma peine façade de l'amour. Et bonne chance à celui qui vous remplace. Les hommes de chaîne sont par le jour. C'était ma peine façade de l'amour. J'ai refusé. T'asseoir ici et tu vas m'écouter. La femme que j'aimais, tu me l'as fait quitter. Et je suis devenu cet homme que voilà. Et te voilà perdu. Perdu de remords pour n'avoir jamais su résister à ton corps. Tu ne le verras plus, cet homme que voilà. Je vais laisser la place, je plains mon successeur. Jure quoi que tu fasses, tu feras son malheur. Tu te rappelleras cet homme que voilà. Je connais ton programme, je vois ton avenir. Notre main te réclame. Tes jolis yeux sans âme me dégoûtent à vomir. Va détruire le bonheur, fais ton travail sur terre. Va faire couler des pleurs, va déclencher des guerres. nous quitte le Foch. On débarque du Foch pour aller au pavillon de Paris, à la porte de Pantin, et retrouver Johnny Hallyday sur cette scène avec le pénitencier. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas dévenu, ce n'est qu'on peut déjà. Ne laissez jamais mon garçon. Ce pavillon de Paris porte le Pantin. Le précédent, c'était le 26 octobre. Et là, c'est un petit medley. Hein, c'est le live qui est sorti dans le commerce. Donc, c'est un essai de plusieurs soirées qui ont été mixées pour composer ce fameux live. Et on retrouve Fils de Personne, toujours au pavillon de Paris, porte le Pantin. Il y en a qui laissent dans les pays de drapeau. On chante des hymnes militaires. Et quand la troupe défile sur leurs carreaux, ils se chantent là. Les affaires, oui, sont les affaires. Comme

partir. J'ai besoin de tes mains sur moi et de ton souffle et de ta voix, de tes joies, de tes plaintes, de tes cris, de tes craintes. Voici à présent le dernier titre de cette soirée. Avec toujours pas bien de Paris, Porte de Pantin, et ce titre, qu'est-ce que tu croyais? La version de 14 minutes, Johnny présente les musiciens. Écoutez ça. À peine une heure que tu es là, et tu cherches déjà une fille. Et tu vois, non, ça ne marche pas. Elle préfère ce qui, oui. Ton heure, c'était il y a longtemps, ça remet des souvenirs. Les filles, donnez-leur 20 ans, maintenant tu peux courir. Oh non, qu'est-ce que tu croyais? Que la vie n'attendait que toi. Qu'est-ce que tu croyais? La vie ne vient plus dure que toi. Tout seul, au coin de la rue, tu regardes un taxi girl. Et tu sais, non, qu'elle ne te voit plus, que tu resteras seul. Oh, oh, c'est une longue, longue nuit qui t'attend, une nuit sale à en vomir. Ici, tu n'es qu'un perdant, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu croyais? Que la vie n'attendait que toi. Qu'est-ce que tu croyais? La vie n'est bien plus dure que toi. We'll be right back. On va vous présenter ce qui m'accompagne sur scène. Ceux qui me suivent en tournée toute l'année. Mes amis, messieurs, mesdemoiselles, mes musiciens. À la guitare soliste, Michel. Au solo de saxophone, il est écossais, il s'appelle MacGregor. Les arrangements sont écrits et l'orchestre est dirigé. On trombonne, nous l'appelons, pas à cause de son âge, mais à cause de sa barbe. Nous l'appelons Papy, mais il s'appelle Jean Costa. mais dis-moi, qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? Oh! Encore une chose, c'est que je voulais vous dire que le chanteur de l'orchestre s'appelle Johnny Hallyday. Johnny de A à Z consacré à des lives des années 70, de 1970 jusqu'à 1979. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission et je vous donne rendez-vous le mercredi 17 mars prochain. Non, pas la semaine prochaine, pas d'émission. Raison professionnelle, eh oui, oui, c'est de l'amateurisme, bien sûr qu'on fait, hein, c'est du bénévolat. Merci encore à tous, à bientôt, bonne nuit, ciao ciao.